besoin de toi. Un petit Saint-Jean-Gris dont tu ne veux pas. Dans les moments si calmes, blottis contre moi. Que tu sembles si simple, mais que tu n'oublies pas.